Thank you. Suivi de Houston. Sur le petit écran, les différentes phases de cette saisissante expédition. Jean-Claude Eberlé, Bernard Vallette et moi-même l'avons suivi de plus. Thank you.